Jusqu'à 4 heures. Si c'est la première fois que tu écoutes la station, mes félicitations, c'est la meilleure à Montréal. Si c'est la première fois que tu écoutes Critique de Crowd, je te confirme, je critique les foules. Ah, jamais avec un œil bien méchant, je t'aime Crowd. J'aime te regarder, comment tu es passionné devant un guitarisme, oui, je déparle déjà en début d'émission, mais oui, devant un guitariste en feu! Ah mon Dieu, ce sera un spécial assez instru, oui. Je sais pas à quel point je fais beaucoup de critiques de crowd, de spectacle instrumental, mais aujourd'hui, très peu de chantouillage, puisque je vous jase, oh, d'un spectacle qui date quand même un peu, Yngwie Malmsteen. Il était en spectacle le 16 mai dernier au Théâtre Corona. Je vous en avais pas parlé, et j'attendais le bon moment, et voici le bon. Aussi parce que j'ai vu Appalaches avec Hammerhands et Sunset. Oui, tous des groupes qui chantent très peu et qui jouent beaucoup, mais aussi des groupes qui sont tous tight. Alors, ce sera un spécial ponctuel et tight sur les ondes de la marge. Je vous l'avoue, je suis assez fière parce que moi-même, j'étais à l'heure, ou presque, au spectacle. Ce qui fait que c'est... Oui, c'est une émission assez unique pour tous ceux qui m'écoutent souvent. Ouais. J'ai l'habitude de pas être trop à l'heure. Alors, c'est une émission assez unique et spéciale. Alors, oui, de la critique de foule. Oh, je me sens un peu baromètre de l'ambiance. Comment on file le spectacle? Parce que je vous avouerai déjà en partant que ce ne sera pas dans l'excitation physique et plein de mouvements qu'on aura lieu de rencontrer à ces shows qui étaient à l'ESCO et oui, aussi au Théâtre Corona, comme j'ai dit. Allez, passons tout de suite en musique parce que c'est toujours agréable d'en entendre à la radio. C'est une découverte. C'est Roman du show Nous sommes les rockers qui m'a dit ce lundi, Jolène, je crois que tu vas aimer. Et comme de fait, j'ai fort apprécié Cicatrice qui sont des musiciennes suédoises et ils ont une très belle composition, vraiment beaucoup de chansons et souvent sur les mêmes pistes plus qu'une chanson. Alors en ce moment, on va en écouter deux au lieu de juste une. Parce que même ça se passe avec Cicatrice. Alors, les deux chansons qu'on va entendre, c'est Le voleur de chaleur et La vague noire 2. Je n'ai pas de cœur à te donner. Et dehors, tout est gris, tout est mort. J'ai cherché pas. Le tableau se forme, une carte nouvelle illuminée. esprits sont reconnus. Cicatrice sur les ondes de la marge. Je vais vraiment aller l'écouter sur La Souterraine. Beaucoup de reprises et j'ai vraiment aimé celle des White Stripes avec Fall in Love with a Girl. Vraiment, ça vaut la peine. Allez télécharger ça, ma bande d'auditeurs de la marge. Sinon, ben, vous écoutez toujours Critique de Crowd. Qui? Oui! En mai dernier, je ris parce que oui, je l'ai conservé quand même un petit bout, cette critique-là. Elle a bien mûri dans ma tête. Je cherchais encore comment j'avais vécu ce spectacle. Puisque c'est, ah ouais, c'est, je crois que ce sera une, ben, c'est une légende vivante, j'allais dire, ce sera une légende. Alors, appelons-le légende vivante puisqu'il est bien vivant, notre Yngwie Malmsteen. Là, c'est le moment que je suis bien obligée de confesser que je ne suis pas une énorme fan. Je ne suis pas une fan de longue date. Donc, j'ai aucune idée comment prononcer son prénom. Yngwie Malmsteen. Aïe, aïe, aïe. De son nom complet, Lars Johan Yngwie Lavenbach. Et si vous êtes vraiment amateur, tu peux toujours m'aider sur la prononciation en appelant au 514-343-2476. Parce qu'effectivement, mon suédois est e-boy. Tu sais, si mon anglais, il va pas bien, mon suédois, il va encore moins mieux. Et sinon, ben, je dis que c'est une légende vivante parce que oui, c'est un des plus grands guitaristes qu'il doit y avoir sur Terre. C'est un virtuose qui a popularisé le métal néo-classique et qui a aussi, bon, évidemment, heavy metal oblige, tu te promènes un peu dans différentes eaux du métal, du hard rock, et vous aurez bien compris. Sinon, ben, son dernier album est sorti l'année dernière, World on Fire, et en lisant sur son sujet aujourd'hui, paraît-il qu'il a baissé de popularité en 2003. Et là, je me demandais bien ce qui s'était passé. Jadis, qu'il jouait avec le G3, alors Joe Satriani, Steve Vai et lui-même. Je sais pas ce qui s'est passé. Encore une fois, on dirait que je cherche le groupie fini parce que je me suis pas fait d'amis partout sur place. C'était un peu fret comme show. Et voilà, déjà, le mystère est percé. Ouais, spectacle un peu frite. Mais en même temps, ça empêche tellement rien de la qualité du show et de même de mon appréciation de la foule, puisque c'était... ouais, on n'était pas dans l'emballement et je crois qu'on était juste dans l'appréciation technique. Ça va de soi pour un tel musicien, là. Il est complètement fou. Et si tu n'en as jamais entendu, gâtons-nous, allons tout de suite écouter un extrait de Baroque and Roll. Le doigt se fait aller sur sa petite guitare-là puis ses petites cordes-là. Assez merci. Et pendant une heure et demie sans arrêt, c'est assez incroyable. Et oui, j'ai l'air vraiment beaucoup à la recherche du fan, du vieux fan, parce que j'ai entendu un commentaire qui m'a fait quand même sourire à pas avoir fait de connaissances durant le show. Au moins, j'ai pillé les conversations, non? Dit de même. Mais oui, il y avait deux messieurs. Là, ils jasaient, puis il y en a un qui a dit « Moi, je l'ai vu deux fois quand il était jeune, Malmsteen. Puis encore la même longueur de cheveux. » Ça, c'est un vrai. Alors, je crois que oui, ses fans sont assez, assez fervents, toujours au rendez-vous, même s'il n'est plus au sommet de sa popularité. Quoique le théâtre Corona était assez plein, merci. C'était difficile d'y faire sa place. Et c'est bien à cause que je suis arrivée, oh, ponctuelle, moins 15, mettons. Je suis arrivée 15 minutes en retard, il n'y avait pas de première partie. Je crois que c'est difficile aussi d'avoir une première partie pour ce genre de spectacle-là, tu sais, c'est clair qu'il va être moins technique, ça va être moins, tu vois, j'en trouve pas de mots, parce que ça vaut pas la peine d'avoir une première partie. Les gens sont là pour lui, ça va être comme un condensé, pas besoin de préliminaire pour se condenser de guitare qui ne cesse et qui ne cesse jamais. Alors voilà, j'arrive 15 minutes en retard et même je demande au gars qui déchire mon billet si le spectacle a commencé, il me regarde d'un drôle d'air en faisant comme, mais oui madame, depuis 15 minutes. minutes et je regarde ma montre, mon cellulaire. Et comme de fait, il est 8h45, le show commençait à 8h30 tight, il a commencé quand même. C'est sûr que dans les salles de spectacle, contrairement aux bars, comme sera la prochaine critique à l'ESCO, ben oui, on va quand même plus suivre les temps qui ont été annoncés. Aussi, je sais pas, ça fait partie du décorum, c'est plus officiel. L'organisation, c'est quand même plus chargé. Mais là, j'étais assez impressionnée. Pas de première partie, 8h30, ça commence, bang! Puis ça finit à 10h, pile! Je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est comme en corrélation avec le genre musical. C'est tight tout le temps et même le show est tight dans sa durée. Je trouve ça incroyable que ça le soit sur tous ses angles. Sur ce, petite pause musicale. À parler de ses mains qui manient le manche, j'avais envie d'écouter « Main de gloire » de Cauchemar. petite dose de power metal avec des illusions et la chanson Metal Influence. Bien, pour vous mettre un peu dans l'esprit du spectacle de Yngwie Malmsteen, même si c'est fou, en écoutant la chanson, il me semble que je headbangerais sans arrêt. Et est-ce que ça headbang beaucoup durant le spectacle de Malmsteen? Non, pas tant. Mais qui va voir ce spectacle? Que trouvais-je dans cette foule, me direz-vous? Ben ouais. Ben écoute, en observant cette merveilleuse foule où je ne trouvais pas du tout ma place, ça a été ça mon premier problème. Mon manque de ponctualité à 15 minutes près, ça rejouait énormément sur ma soirée. Parce que quand je suis arrivée, je voyais personne, ce n'était que vraiment une densité qui était impénétrable. Je vous le dis, je trouvais pas ma place pantoute. Je vais au balcon, je me dis, je vais m'asseoir. Personne n'est debout et tout le monde est assis. Je sens bien que le gardien de sécurité me regarde un drôle d'air comme « Tu ne pourras pas rester debout, cher. » Fait que j'ai pas mal descendu. Sinon, je suis même pas allée jusqu'au parterre, c'est pour vous dire. Les gens longeaient les murs. Étant donné qu'on peut pas rester dans les escaliers, on voyait qu'il y en avait qui restaient proches, mais en même temps, ils pouvaient pas tant s'y asseoir. Assis sur les bords aussi des murs, ouais. Ça se faisait. Sinon, j'ai trouvé un petit coin après le balcon, pas le balcon, là, mais vraiment après le parterre. Alors, un peu surélevé parce que la foule est vraiment statique. Fait que je vous dirais que dans ma petite grandeur, j'aurais peut-être pas apprécié beaucoup le show si je l'avais tout simplement pas vu. Alors là, avec cette hauteur-là, j'ai trouvé mon compte. Et j'étais entourée de couples, de vieux chumés, de couples... Encore de couple? Oui, ça sentait beaucoup la sortie de couple. On était en pleine semaine. Je crois que c'est un mardi ou un mercredi, là. Fait que, ouais, ça sonnait la grosse sortie. Grosse sortie. Puis ben des t-shirts de Black Sabbath, de King Diamond, puis des dragons. Là, le dragon, cherche encore si c'était un Ben ou si c'était juste des dragons. Je préfère vivre dans le mystère. Sinon, comme j'ai mentionné, coupe, parce que tu sais, quand t'es statique, tu bouges pas souvent, tu sais, tu tiens la taille de ton partenaire ou tu le tiens pas par le cou, là, mais tu sais, comme entrelacé, c'est quand même cute, mais moins! Ça pue pas la chaleur humaine puis la sueur de je suis bien énervé, là. C'est assez tranquille. Les seuls déplacements qu'il y a dans la foule, c'est les serveurs et les petites vessies. Tu sais, il y a quand même du monde qui se place, mais on le voit que c'est pas pour avoir une meilleure vue ou parce qu'ils sont tannés. C'est vraiment une nécessité qui les amène à bouger. Mais faut le dire, c'est un show où t'es comblé visuellement. Pas que c'est une grande scénographie, là, quoi que ces 56 têtes d'ampli font quand même... ça prend de la place sur scène. Ben, il y en a juste comme 5 qui marchent et ils ont l'air, fait que c'est pas non plus comme « Ah, mon Dieu, comme je vais devenir sourd ce soir-ci, là, pantoute. » Mais ouais, show de boucan, plein d'ampli, mais c'est surtout Malmsteen que c'est sûr que tu regardes jouer de la guitare. Je veux dire, on est essentiellement juste pour ça. Tous les musiciens sont comme complètement à gauche. C'est fou, on y laisse complètement la place sur scène, les autres sont quasiment en train de tapier l'ombre et il est complètement fou. J'essayais de bien prendre en note pour vous l'expliquer en détail comment il tournait à 360 sa guitare. Bon, ça s'explique quand même bien là, il la passe en avant, il la tourne son dos, il la ramène. Là, il fait la toupie avec, elle tourne. Là, j'ai l'impression que je suis de moins en moins clair. Il faisait des acrobaties avec son instrument puis à chaque fois tu fais comme wouh! C'est vrai que ça amène, le sentiment d'être tout simplement impressionné. Oui, des acclamations dans la foule, mais surtout du dévol. Ben oui, les gens sortent leur index et leur petit doigt pour pouvoir faire plein de dévol. Et je vous dirais que dans tout cet état d'amour, il y a même eu des dévol cœurs. Ça, c'est une première, ouais. La personne prenait ses autres doigts pour faire les cœurs, mais continuer son dévol. Je trouvais ça créatif aussi, c'est original. En tout cas, c'est cute. Sinon, il joue avec ses dents, il joue de toutes les façons possibles et inimaginables, Malmsteen. C'est assez incroyable, déjà, pour la rapidité, pour la dextérité. Et sinon, enfin, c'était peut-être au rappel, il jouait même plus avec ses doigts, c'était vraiment juste jouer avec les effets sonores, là. Il couchait sa guitare à terre, puis après ça, sur l'ampli, la façon qu'il tourne ou qu'il bouge. Ça aussi, c'était intéressant, ça prouve que la musicalité, ça peut être sans limite. Et avec technique, mais pas celle qu'on voudrait bien juste concevoir avec, effectivement, les doigts. Et sur scène, il jase très peu parce qu'aussi, il chante très peu. C'est plus le bassiste qui chante. Il chante un peu tout. Mais Je trouve que le bassiste était peut-être plus animateur de foule. Tu sais, il va être là, allez, on lève le poing en l'air, tout le monde ensemble. Et là, tout le monde ensemble s'y donne. C'est un peu drôle de dire que c'est fret quand il y a une interaction avec la foule. Mais je crois que c'est un peu dû au fait que c'est tight. C'est hyper tight comme show. Mais je pense que c'est tellement tight que tout est prévu. Tu sais, Marv Sean, à un moment donné, il dit comme, you're the best, Montreal. Puis on fait comme, ouais, oui, on est les meilleurs. Mais... Tu sais, critique de crowd a envie de te dire qu'elle en a déjà vu d'autres. Tu sais, là, on est les meilleurs. Je le sais, mais je le sais que tu le dis à tout le monde. Ah! Je suis pas spéciale. Mais oui, on est spéciale parce qu'on est Montréal. Puis c'est vrai qu'on est beau. C'est vrai qu'on est les meilleurs. Ah, mais tu dois le dire à toutes les villes. T'es prévisible. Ouais, c'est le défaut des fois de tout prévoir. Même les phrases de remerciement, même les bonjours à la foule. Ben, pis c'est, même si ça pourrait venir du cœur, même si ça venait spontanément, la phrase est un peu préconçue. Elle est préfabriquée, là. Fait que même s'il était senti, il pourrait avoir une structure de phrase un peu plus originale, plus sincère, où on pourrait y croire, puis on se dirait, ah, ben merci beaucoup. Tandis que là, ben, on répond comme une foule un peu automate, mais en même temps, on va pas dire comme, ouais, c'est ça, tu le dis à tout le monde. Fait que, on répond, ouais. C'est peut-être là que je trouve un peu le fret entre la foule et le band, parce qu'on est là juste pour le regarder, puis là, lui aussi, il est là juste pour nous jouer. Le rapport hyper direct, je pourrais pas dire à quel point il y en a un, mais tu sais, il y en a dans la foule pour de vrai là. Quand je dis que les gens l'aiment, ils l'aiment là, c'est pas non plus froid dans le sens où on est distant. Tu sais, il y en avait, ils vénéraient le band, mais debout, ils prenaient leurs bras puis vraiment ils les descendaient de haut en bas pour les vénérer. Ça, oui, ils voulaient les ventiler là, ça faisait un peu ventilateur là, mais mais autrement, il y a quelques petits mouvements comme ceux-là distincts dans la foule qui prouve la passion et celui qu'il sera, oh mon Dieu, vraiment le plus. Et j'ai pas tant compris. Il y a un gars qui arrive à la fin du spectacle, vraiment au côté, là, au fond du parterre, puis il s'avance avec sa guitare. Et, ouais, il la tenait vraiment bien en l'air, là, c'était assez immanquable. Et je sais pas, il voulait-tu que Malmsteen joue avec? Il voulait-tu qu'il la signe? Il voulait-tu juste y montrer? À la fin, ça a comme pas fonctionné parce que, ben oui, le guitariste, ça y a fait aucun effet, mais vraiment aucun. Fait qu'il avait l'air choqué, le gars. Il est revenu aussi, tu sais, comme on rappelle, là, c'était là, vers la fin, puis il a recommencé, il s'est réessayé. Fait, j'ai pas compris c'était quoi ton intention, jeune homme ou gaillard, mais ouais, j'espère que t'es pas déçu de ta soirée parce que, effectivement, le move avait l'air peu efficace. Par contre, si tu voulais un souvenir de ta soirée, ah, ça, sur le pic, tu pouvais être gâté. Ça, c'était... Ça, c'est pas de l'interaction ni avec la foule, ni avec le groupe, mais le technicien préposé au pic avait, ouais, quand même une grosse part de participation au spectacle, puisqu'il était toujours en train de remplir comme mon Dieu, comment t'appelles ça? Un support à pic. Bref, il était en train de placer comme, de façon très expéditive, les pics sur le porte-pic. Et... il les place, mais il les place tellement vite qu'il en échappe 10 000. Fac! Ça, je sais pas combien ça leur coûte de pic de tourner, eux autres, parce que ça doit être assez incroyable. Ça, puis Morphine, il est tout le temps en train d'en lancer. Vraiment, en donner, là, comme, comme, on dirait comme des miau-miau pour les petits chats, là, pour les gâter. T'es comme, voici un pic, miau, miau. Puis là, tout le monde est content. Yeah, yeah, yeah, un pic, yeah! Mais, vraiment, la façon peu efficace de les mettre, ça me faisait quand même beaucoup rire. Ça devait pas être prévu dans le show. Mais justement, c'était drôle parce que c'était naturel. C'était les dessous du spectacle devant le spectacle. Sur ce, c'est un guitar hero. Mais moi, mon guitar hero préféré, c'est... Oh ben, je sais, il l'est plus, là, depuis ce temps-là, je suis bien triste. Mais oui, c'est Sonny Duval, dans le temps qui est donné les Breastfeeders. Fait qu'on va aller écouter lui, qui joue de la guitare sur Tu es l'idole, les Breastfeeders sur les ondes de la marge. Je fais du cinéma. critique de Crowd après les publicités sera tout en pause puisqu'on va écouter, du Appalache. On va avoir aussi une belle critique d'eux avec Hammerhands et Sunsetter Alexco. Tout ça après les publicités. Et oui, à tout de suite. Du 6 au 9 septembre, rue Saint-Denis, dans le quartier des spectacles, OOMPH, le festival de la rentrée, présenté par Desjardins 360D en collaboration avec les Trois Brasseurs, te propose 4 jours de musique, humour, art de rue, sport et plus encore. Des concerts gratuits de DJ Yella de NWA, DJ Windows 98, Win Butler de Arcade Fire, Corias, Fred Fortin, les Hey Babies, Men I Trust et tous les artistes de la sélection spéciale de notre partenaire Fido, The OBGMs, Grand Buddha, Sashu et plus encore. Vivez l'expérience Festival Maximale avec le bracelet exclusif OOMPH en 360 présenté par Desjardins 360D. Détails et horaires sur OOMPH.ca. Le festival You'll Eat, en collaboration avec Delta Airlines, invite les passionnés d'aventures culinaires au quai de l'Horloge dans le Vieux-Port de Montréal. Du 2 au 4 septembre, faites l'expérience du parcours gourmand, du smokehouse, du marché Red Path et encore plus. Vous verrez que de la terre à la table, le Québec regorge de talent et de fraîcheur. Achetez vos billets dès maintenant sur youleat.com, présenté par Production Première Vendredi et Evenco. Manquez pas le retour du légendaire groupe punk californien The Descendants le 7 septembre prochain au Metropolis a.k.a. le MTELUS avec The Menzinger et Barry Chavak en première partie. Une présentation de Greenland et 77 Montreal. Billets disponibles au www.greenland.ca. Suivez Greenland Productions sur Facebook et Instagram pour rester à l'affût de ce qui s'en vient dans les prochains mois. Pionniers de la musique électronique de Montréal vous offre Électroparade Montréal. Le samedi 2 septembre de 14 à 23 heures, venez danser dans les rues de Montréal, du Mont-Royal au quartier des spectacles. Des douzaines de DJ, mettant en vedette Paul Kalkbrenner présente Back to the Future, Netsky, Agoria, Mistress Barbara Invite et plus encore. Avec les chars allégoriques Ville Sonic, Beach Club, Picnic électronique, I Love Neon et plus. C'est un événement gratuit et vous êtes invité. Visitez électroparade.com, un événement Montréal 375 produit par Evenco et Meg Montréal Festival. SiriusXM présente, en collaboration avec Québecor, la 15e édition du FME à Rouyn-Noranda. Le FME, c'est 4 jours de musique alternative au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, avec Fudge, Duchess 16, Croy, Ludovic Allary, Le Couleur, Zen Bamboo, The Wild Tones et plusieurs autres. Réserve ton week-end du 31 août au 3 septembre. Viens vivre l'expérience FME. Pour connaître la programmation, consulte le fmeat.org ou télécharge l'application mobile. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Joignez-vous à nous pour la 2e édition du Yoga Immersif présenté par Yoga Tribes et Sound Off pour une journée entière au Bassin Peel à Montréal le 9 septembre. L'événement Yoga Immersif tire profit de la technologie sans fil Sound Off et offre une expérience unique et personnalisée qui vous plaira à coup sûr. Réservez sur www.yogatribes.com. L'admission sur le site est gratuite et vous pourriez courir la chance de gagner une retraite de yoga en Tunisie. Rendez-vous le 9 septembre. Le jeudi 7 septembre, vous êtes invité dans le Milex pour le kick-off party de Projet X, un 5 à tard festif avec une série de 7 prestations live imaginées par la beatmakerie, dont Man I Trust, Wizard, Uri et un DJ set de la bronze. Tous les détails sur projetx.ca. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Pop Montréal célèbre son hashtag Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec plus de 400 groupes de musique, arts visuels, films, artisanat, conférences, ateliers, barbecues et beaucoup plus. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Et oui, vous écoutez Critique de Crowd sur les ondes de la marge avec Jolaine Ruet. On s'en va écouter Patrick Watson et la chanson « Je te laisserai des mots ». Et moi, j'ai plutôt reçu un appel pour dire de beaux mots tels que « Bonne fête ». Bonne fête, Camille Godard. Je suis bien heureuse. Mon Dieu, ça a l'air que t'écoutes souvent l'émission. Alors, je t'aime aussi. Je le répéterai jamais assez, mais mon Dieu, que la crowd des auditeurs de la marge sont les meilleurs et ceux de Critique de Crowd particulièrement. Alors, merci de ta belle écoute et je te dédie cette chanson. Alors, allons-y gaiement avec Patrick Watson. Bonne fête encore, Camille. Et sinon, ben oui, on a entendu Patrick Watson avec « Je te laisserai des mots » parce qu'il sera en spectacle au My Legs and Music Montréal. Ben oui, on en a entendu parler de cet événement de deux jours qui va avoir ben du monde en dessous du viaduc Van Horn avec, ben oui, Patrick Watson, c'est bien évident. Et surtout, Godspeak Black You Emperor, Charlotte Cardin, CDN Color, Cat Power, Foreigner, Diplomates et Matt Ulobowski. Bon, ben du monde. Dis-moi si c'était le fun. Tu vois comment j'en parle pour m'en débarrasser. C'est parce que j'y vais pas en tout. Et je sais pas quel sentiment j'ai face à cet événement. Et je suis persuadée qu'il y en a parmi vous qui y seront. Dis-moi si c'était agréable. Oui, dis-moi si c'était amusant, si la crowd était jolie. Et si c'est l'inverse, partage-le-moi tout autant. Mais je t'espère que tu auras beaucoup de plaisir. Parce qu'à Critique de Crowd, ben oui, je te suggère d'aller voir la foule et les spectacles et cette chère musique en direct. Mais ouais, passer du bon moment avec la foule, je t'en suggère autant. Ce soir, par contre, il y a des chances. Je te dirais 50-50. Je vais faire pile ou face à 10h. Si je vais voir Bloodshot Bill and the Hiccups avec Wild Tones et D.K. Dickerson, Alesco. Sinon, vendredi, Eddie Blake lance un album. C'est en formule trio et sinon, il va être, c'est ça, avec Peter and the Wolf. OK, sinon, samedi, Métalleux, Burning the Oppressor va être en spectacle au Piranha Bar. Je trouve que cet automne, il y a quand même une couple de bons shows annoncés au Piranha Bar. Je crois que je vais y retourner très, très bientôt. Et ce samedi, K9 and the 45s, si tu as envie de danser un peu de ska au Petit Campus, c'est l'occasion ce samedi. Et sinon, autre lancement, c'est l'album Itrema de Medora au Quai des Brumes. Dimanche, ça, je sais que je peux pas du tout y être. Au début, j'étais très déçue. Après ça, les nouvelles tunes, j'étais pas certaine. J'étais, oh, finalement, ça me dérange pas. Finalement, j'ai pas encore fini d'écouter l'album, puis je me dis que ça va être bon. Code Orange, je ne les ai jamais vus en spectacle. Si tu y vas, dis-moi que c'était excellent. Dis-moi que c'est beau. À la Sala Rossa avec Eternal Sleep, Jesus Peace et 12 of Lies. Et sinon, ce dimanche, il y a beaucoup d'événements avec le festival You'll Eat. Il y a entre autres Mort Rose et À la Claire ensemble le dimanche et d'autres groupes au Quai de l'Horloge. Lundi, oh mon Dieu, ça c'est drôle parce que j'ai... Tu sais, je vous dis, ah, la crowd, es-tu le fan? Es-tu pas le fan depuis tantôt? Mais je me suis fait dire que Venom Inc., c'est plate en spectacle. Fait que si tu y vas lundi, ben dis-le-moi, je suis très curieuse, mais pas assez pour y être. Fait qu'ils vont jouer avec God War et Toxic Holocaust et The Convalescence au Foufoune Électrique. Des gros shows pour mardi et mercredi, puisque mardi, c'est Depeche Mode et mercredi, Arcade Fire, le tout, les deux, au Centre Bell. Hey, je vous passe jamais assez souvent de hip-hop, alors on s'en va écouter Bad Nylon et Save Yours sur les ondes de la marge. Dans vide, je pêche dans mon old Alec, you know. Cerveau en éruption, feu sur le bro. J'illumine la coke, killer under road. Il était tard pour le voir, mais mon afro glow. Yo, smooth jazz, le clair de lune modale. J'avais pu penser cavalière au sabotage. Terminant la queen, éclair mon arc shine. Ou même Athéna, minère de sang royal. Get low, baby boy. What you know's already known. What you know's already known. Avec ton cool sweater. Quand t'as fini de monter la côte, il est rendu mouillé le sweater. Tu peux pas pull, big girl. Tu peux pas fool, me girls. On est passé vraiment chiant, on veut plus de mou, quick a bitch. J'ai back in the day, j'aimais les tours rêveurs. Mais les matins ont un coup meilleur. Comme si ta fille, à chance qu'elle est venue à bout de ses peurs. Mais elle frémit quand elle entendait pas au coup de cette entrouvrée. J'ai pas parfois le focus, mais ça veut pas dire que je vois fou. J'ai pas qu'avec tellement de fuck que j'ai la gêne de remplir de rendez-vous. Des excès, du sucre en poudre sur mon déj. J'aime un breakfast plate, des jardins, no be wild. Des pays dans l'oreille, et par l'autre, c'est des verges sans la pomme. Les breaks, j'en monte sans les conseils. Get low, baby boy. What you know's already known. What you know's already known. Get low, baby boy. What you know's already known. What you know's already known. Cool sweat, ça fait longtemps que je l'attends. Ce moment détente dans le vent. Lumière orangée en sang. Fly up, oh, je pense que c'est le temps. I'm snap the brum, put my jammies on. No braces, no knees, got my panties off. Laisse le standard, stand tall, baby doll. Le chef de mon country, de le c'est mon standard. C'est pas de la vanité, j'm'en fais une saine idée. Nature, mon talisman, tu t'es pas fait en une seule nuit. Solité, portée à mes lèvres. Ma volonté, mon nectar, me donne la fièvre. De l'anis, morganique, sans panique. J't'extatique, c'est ce qui m'habite. Fuck l'ecclésiastique, si je bois, je prêche, je m'en suffis. pas juste pour preach la musique. Tu peux me spot dans un temple. On est parti sur un temple. Baby, who's the best in town? Yeah, je suis un temple, mais je peux être dur comme une stone. Je réponds à personne, tu mettras ni Dieu ni maître sur ma tombe. S'il faut show off sur le stage, ben let's do it. All day, toute la journée, c'est une promesse, rien à prouver. Et je fais monter une vie, je suis tout du getting wild sur le b-boy. Ain't nothing to me. Et j'ai couru dans les égouts toute ma jeunesse. Yeah, cypher dans les rues LA. Pas pour sauver justice. The hobby I pass, on juste le temps. Roll les kings, le kill away the long. And now I'm moving for the kill real quick. Keeping it 100 pour the keep. Le 0 à 100, juste le temps de le dire. On work on team. Nylon et Save Yours sur les zones de la marge, respectivement 3e et 17e position. Pour toutes les autres, CISM893.ca. Que de découvertes musicales à faire. Sinon, ben ouais, t'écoutes Critique de Crowd qui te parle de show et de ponctualité cette semaine. Oui, j'avais pas le choix de l'être pour le show de Appalaches, puisqu'on m'avait dit, ils aiment bien jouer à l'heure et ils vont tout faire pour jouer à l'heure. Parce qu'il faut bien le dire. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, je suis débordante de « Ah, mon Dieu, trop d'émotions! » Trop d'émotions à de... Ah! Ça met toujours en colère, puis en même temps, je vis avec. Tu vois comment je vis mal mes émotions par rapport aux heures des événements sur Facebook. Particulièrement les bars. Il faut le dire. C'est pas une cachette, là. Je veux dire, on le sait tous que ça commence toujours à peu près une heure et demie plus tard que l'heure indiquée. Tu sais, s'il est marqué 9h30, la première partie, elle commence à 11h. Ben, d'habitude, c'est plus 10h30. Reste que je trouve ça toujours très drôle qu'on marque 9h. Je me dis, ben, pour que les gens arrivent, pour qu'on puisse boire. Mais d'où vient le retard? Oh! Grande confession. Personnellement, je suis devenue quelqu'un qui n'était plus du tout ponctuel à cause des ligues d'impro. J'habitais Trois-Rivières jadis et quand j'avais fait partie de la Ligue mauricienne, ben à chaque fois qu'on avait comme des rencontres avant les matchs, j'étais toujours la première arrivée et j'étais toute seule à attendre une demi-heure tous mes coéquipiers, coéquipières. Fait que j'ai comme appris sur le tard qu'être à l'avance ou du moins à l'heure, ça donnait rien pantoute pendant que je patientais pendant 30 minutes à vivre le moment présent. Quoique c'est bien d'arriver à l'avance à un événement, justement, juste filer le moment présent. Aïe, aïe, aïe. Fait que moi, pour moi, ça date quand même un bout, là. Je veux dire, quand j'avais 17 ans, j'ai appris à ne plus être ponctuel. Fait que musicien, quand tu commences ton show en retard, je te comprends. Je comprends toute la... C'est comme une accumulation d'expériences de vie. T'as déjà été à l'heure, finalement, je l'ai plus. Parce que ça donnait plus rien. Mais cette fois-ci, Appalaches m'a comme ramené à l'ordre. Et en fait, ouais, Les portes ouvrent à 9, le show commence à 9h30, le dernier ben il embarque à 11h15, puis je vous dirai en 11h30, il a commencé, là, pour une différence de 15 minutes. C'est vraiment juste une question de technique, test de son, qui a fait que ça n'a pas commencé. Hey, corpile! Je suis impressionnée, et je suis impressionnée aussi d'être arrivée à l'heure, je suis arrivée pile! Je capote! Et, arrivé à l'heure, j'ai assisté... pas du tout, parce que c'est plutôt post gasoline. Il y avait les spectacles du 24 au 27 août sur l'avenue Mont-Royal. Ça s'appelait Rue sur l'avenue Mont-Royal. C'est quoi? C'était les promenades de l'avenue, comme les promenades Ontario, en fait. Là, on vend des bobettes en public, puis en package deal de 3 pour 10, là. Puis... J'aime bien magasiner des dessous en public. Mais ouais, je vivais l'instant des fêtes, des promenades, mais terminé. Alors, en sortant du métro, je me sentais déjà post. Ça me faisait beaucoup rire parce que pour aller voir un show de post-metal, post-rock et disons, dans toutes ces eaux-là, je me sentais déjà post de quelque chose et je me suis fait rire à moi-même. Sur ça, la ponctualité, ben oui, c'est peut-être pas non plus la marque de commerce de l'ESCO, même si je l'aime de tout mon cœur, pour vous dire, le technicien de son qui était présent sur place a dit que en 20 ans, il n'avait jamais vu un band commencer autant à l'heure. Je crois qu'il y a raison de mettre un X sur le calendrier et aussi d'écouter du gasoline parce que je les ai manqués et que c'est bien le fun. On va aller écouter New York. Yeah. mode post-gasoline que je n'ai pas vécu. On a écouté Gasoline avec la chanson New York sur leur plus récent album Brûle Ensemble. Ben oui, là, je vais arrêter de dire des post-post parce que oui, c'est tous des groupes avec des tendances post. Avec Sunsetter, qui sont les anciens Goetia, groupe d'Ottawa qui font dans le post-metal expérimental Sludge. Ah, là, je crie et je connais mon émotion. C'est l'insatisfaction. Ouais, ils ont juste une toune sur leur Bandcamp. Fait que, allez l'écouter, mais je ne pourrais pas vous en diffuser. C'est bien dommage. Pour de vrai, c'est très dommage parce que j'ai beaucoup aimé le groupe. Alors, j'ai hâte d'entendre la suite des choses. Alors, spectacle qui commence avec deux gros spots blancs proches du drum. Oui, il y a un éclairage qui donne le ton à l'événement. Tous les groupes vont jouer peu de chansons parce qu'elles sont longues. Déjà, en soi, ça donne un esprit, tu sais, peu d'interaction avec la foule, parce que c'est pas nécessaire, et de toute façon, tu vas pas comme jaser avec... à moins que ça aurait fité, là, mais tu jases pas avec ta crowd durant les chansons. Oui, très peu de paroles, comme je disais, parce qu'il y a très peu de voix, de chants. Les chansons sont longues, l'éclairage est baissé, parfois c'est carrément noir, cette fois-ci, avec Sunsetter, c'est avec deux gros spots blancs, là, qui vient... Oui, faire des bel ombrage sur le visage des musiciens. Et surtout, ça amène un espèce de sentiment de recueillement. On est très introvertif. Ben, en tout cas, je peux pas parler du dedans des autres. Ça, c'est l'affaire avec critiques de crowd. Tu sais, un show tranquille où je suis pas en train de penser à la vie, à la mort, puis je me remets pas en question, là, mais juste comme je file mon dedans. Ben, je peux pas le garantir sur la crowd au complet. Mais de la façon qu'elle a une écoute, qu'elle est attentive, qu'elle parle peu, oui, j'ai bien l'impression que tout le monde est dans cet esprit-là de juste... être pris par la musique, ça donne une foule qui a quelque chose de inébranlable. Elle bouge pas beaucoup, mais dans le bon sens du terme, parce qu'elle est concentrée, elle est à l'écoute. Il y a quelques hochements de tête. Et c'est ce qui est drôle, c'est que pour presque tous les groupes, moi je vous dirais, tous les groupes qu'il y a eu ce soir-là, les bands étaient plus dynamiques que la foule en tant que telle. Je sais pas à quel point je le remarque souvent parce que entre un mosh pit, un tuage, ben l'action va toujours être plus forte dans la foule que sur scène. Sinon, ben vous êtes en train de vous battre entre musiciens, puis c'est peut-être bizarre ou dangereux. Mais vous aurez compris, il y avait des hochements de tête, plus dynamiques. Ils étaient vraiment dans le groove. Il y avait des musiciens qui gesticulaient. J'ai l'impression que j'ai jagé parce qu'ils n'étaient pas en train de se pitcher partout. C'est juste que la différence entre interpréter et apprécier de la musique se sentait à ce moment-là. Pendant qu'ils jouaient, on sentait l'emballement, tandis que dans la foule, oui, c'est quelques personnes qui vont dodeliner de la tête, qui vont pas se déhancher, mais qui vont avoir un certain mouvement de corps. Mais ce sera jamais plus que ça. Et tant mieux! Parce que c'était tellement synonyme d'une belle écoute. Puis on était à l'ESCO. Des fois, les shows dans des bars, et là, je généralise, le bar avec un grand B. Oui, il peut avoir une certaine habitude de jaser. Parce que si t'es plus un habitué de la place que d'être venu pour le groupe, ben tu considères moins l'événement. Là, t'as juste envie de jaser avec ton ami, boire ta bière comme d'habitude. Mais là, je me retournais dans la foule et j'allais dire quoi que la musique était vraiment forte. Tu sais, tout le monde me dit genre, Jolaine, as-tu apporté des bouchons? J'étais oui, je fais attention. Je ne veux pas avoir d'acouphènes. Mais tout le monde avait la bouche fermée, les yeux fermés ou bien ronds. À la discrétion, debout ou assis, mais tous, à l'écoute. Je trouve ça, pour tous les groupes, je fais comme une grosse généralisation parce que ça a été assez égal pour les trois groupes et pour le mieux parce que pour moi, c'était comme trois moments où on pouvait être comme dans une bulle, c'était agréable. Et tant qu'à être dans les généralisations, je fais pas ça souvent, me semble, mais crowd qui était pas mal en chemise, plus qu'à mes habitudes. Est-ce le poste qui amène la chemise? J'en ai aucune idée, mais c'était propre, hein, s'il vous plaît. Et sinon, il y avait quelques t-shirts bien crowdés. Je trouvais que, l'ESCO m'a rappelé à quel point il avait été bien rénové. Je suis heureuse, parce que peu importe le nombre de gens qu'il y avait en avant, là, ça tournait toujours à peu près une trentaine trentaine, quarantaine, avec les gens en arrière, avec les tables, plus ou moins le même nombre. Bon, je pense qu'on devait être une cinquantaine. J'ai jamais eu l'impression que c'était vide. Puis au même nombre de personnes avec l'ancien ESCO, la capacité maximale était quoi, de 100 personnes. Ben j'avais le même sentiment de chaleur humaine, de proximité avec les autres amateurs de musique qui étaient avec moi. Fait que là-dessus, oui, c'est pour ça que je crois avoir encore plus passé un bon moment, c'est que on était tous attentifs, mais on n'avait pas le sentiment d'être dans un lieu vide. Il y avait encore la chaleur d'antan. Oui, je suis vraiment heureuse. Alors voilà. Hey, j'ai envie de continuer en musique. Là, j'essayais d'être thématique justement, être un peu dans les mêmes eaux que les groupes que j'ai entendus samedi dernier à l'ESCO. Aïe, aïe, aïe. Oui, ce sera des inspirations plus ou moins post. C'est une découverte pour moi. C'était Non 2, un groupe français. Et on va aller écouter la chanson « Dieu ». Italie 96, la tête farcie de scène d'évangile. Je rentre de la ville, seul, un peu triste, c'est pas une vie. La mort approche mon Spinoza, la liberté c'est dire merci. Regarde le ciel, tu sais qu'il existe. Christos Reato, la tragédie c'est la puissance incolore qui n'émane pas de ce que tu désires. Quand je serai poussé, juste avant le suicide, alors seulement je me tournerai vers ça. Le feu, la source, le sort, la présence, l'un, les coups, l'ivresse qui sauve déjà l'ultime rien. Le flux, le sang flamand, le soi, la fenêtre, la nature, la poutre, la force, le maître. Le Valois 93, accoudé à la cuve. vous venez d'entendre A Snake of June avec la chanson Sixième étage. Et je vous avoue que, mon Dieu, il va falloir que je vous en passe plus souvent. C'est une découverte très, très récente. Oui, je cherchais des groupes francophones qui font dans le sludge et vraiment très heureuse. Je vous invite également à les découvrir. Et c'est pas pour rien que je vous voulais un petit lien sludge parce que les groupes pouvaient être parfois un peu dans ces eaux-là, mais Hammerhands l'est entre autres avec son metal, noise post-metal, stoner rock. Ah, pourquoi en parler quand je peux vous mettre un bel extrait? Ben ouais! Hey, lentement mais sûrement comme extrait, effectivement, c'était bien volontaire parce que c'est fou comment je trouve ça dur à rapporter comme genre de spectacle sur les ondes de la marche parce que c'est tout le temps des tunes de 10 minutes et aussi c'est quand même progressif dans le sens où si ce n'est pas musicalement, ben ça prend son temps là, fait que tu peux pas avoir un 10 secondes représentatif non plus. Et oui, encore une fois, merveilleux groupe d'Ontario, Mississauga, il existe depuis 2013 et j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Et c'était dans la même lignée que Sunsetter, dans le sens où on était comme une séance de ressourcement. Je sais pas c'est quoi ta façon de te détendre, crowd, mais moi, je trouve que ça, ce genre de show-là, c'en est une très bonne solution. T'es là avec les gens, tu bouges pas, t'es tranquille, t'apprécies la musique et le moment présent. Tu penses plus à rien, ou presque, parce que le groupe passe des... Ils font des projections de paysages. Je ris parce que au début ça va, tu sais, c'était des paysages, vue aérienne, le sable, les glaciers. On croirait qu'on est aussi comme, je sais pas, un visionnement de National Geographic ou tu sais les espèces de vidéos là de voyageurs là. En tout cas, en région, il y a comme des séances mensuelles là. Les gens aiment beaucoup ça. Ou en tout cas, ma mère elle aimait ça quand elle est allée. Fait que bref, ça me rappelait ce genre de. Ce genre de, ben oui, de soirée cinéma, là, mais c'est parce qu'au début, c'est vrai que c'est attrayant ou ça te met un peu dans ta bulle de checker les montagnes, mais là, c'est pas que ça dégénère, là, mais il y a comme des batailles entre des bébites. Il y a des batailles de bébites derrière le band. Fait que là, c'est comme, ouais, il y a comme une espèce de serpent qui mange un reptile, pis là, j'étais comme, je sais plus si j'étais déconcentrée de la crowd du show ou complètement omnibulée par ce qui était supposé être juste un support visuel, là. Pis y a comme pas tant de liens là, c'était des extraits plus ou moins longs là. On avait le temps de profiter de l'image là, c'était pas juste quelques secondes, c'était pas non. Tu vois, ils apprenaient quand même son temps, faut le dire. Et aussi il y avait la crowd de stalactites, fait que immersion dans une grotte. Mais non, mais en tout cas la fourmilière à moi eu. Ah, j'étais comme oh mon Dieu, as-tu vu toutes les fourmis? Puis là ça grouille. Tandis que dans la crowd, c'est plus proche du stalactite que de la fourmilière. Tu sais, c'était vraiment comme tranquille. Oh mon Dieu. C'est là où je me suis dit, j'ai pas de problème d'attention et je sais pas comment les autres vivent cet ensemble parce que c'est la projection plus le groupe qui joue de la musique. Ils vont pas juste rester là à checker la vidéo eux autres avec. Tu sais, ça fait quand même un tout. Est-ce que c'est simplement comme un décor, comme une scénographie? Faut-il en porter nécessairement attention en tant que spectateur? Parce que moi, là, ça m'a complètement eu. Je me suis dit, oh mon Dieu, que j'ai un déficit d'attention juste pour Hammerhands. Tu sais, c'est genre... Mais ça fonctionnait! Ça fonctionnait avec la musique, même que en regardant certains de leurs vidéoclips, ils en font, là, tu sais, avec de la lave. Tu sais, c'est juste de la lave qui coule, puis leur musique... Fait que je me dis que pour eux autres, ça doit aller ensemble. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est drôle comment je me disais, je suis-tu déconcentrée ou c'est l'inverse? Je suis hyper concentrée puis je suis complètement absorbée par le spectacle qui ça forme un tout. Je le sais pas. Ça m'a surtout perturbée au point que la crowd était tranquille. Oui, ça peut encore une fois hocher de la tête, plus ou moins rangé, ça bouge pas trop. Mais genre, il y avait du monde assis sur le divan, juste à temps que je réalise que c'était pas du monde, puis que c'était plutôt un caisse puis une guitare mis debout sur le divan. Fait que là, j'ai réalisé que, ouais, peut-être que j'avais pas encore de problème d'acouphène, mais peut-être des problèmes de vue. Sur ce, ben, je vais être... sur ce, je vais vous mettre de la musique. On s'en va écouter Noyade. Ben oui, allons-y. J'espère que tu as apprécié cette pluie crowd. Ben oui, sur la chanson Mela's Call de Déluge. Il pleut, il pleut. Oui, je me faisais rire tout seul dans l'écouteur parce que je vous parlais tantôt du sentiment de ressourcement durant le spectacle. Et je me disais que, tu sais, ressourcement, on pense à les petites musiques là avec des bruits d'eau à l'intérieur. Mais finalement, même quand ça gueule, ça peut être détendant. Comme avec Déluge, groupe que j'adore. Je vous suggère bien son album Aether. Et sinon, vous avez aussi entendu une noyade. Et l'album, c'est Sans intérêt. Et Critique de Crowd! Ben oui, je suis encore là. J'ai du début jusqu'à la fin. Je le mentionne parce que j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui étaient des cendrillons ce soir-là. C'est reste comme c'est parti. Il y a du monde qui sont partis à minuit, un samedi, pour hey! Hey, à Montréal, c'est toujours bien la journée la plus avantageuse pour les oiseaux de nuit. Profitons-en. Alors, ce sera mystérieux. Mystère de par comète, qui sait? Mais non, non, ce n'est pas tant décrowdé là, pour Appalaches. Je vous dirais... Au contraire, pour un groupe d'ici, oui, les gens étaient présents, avancés. Le groupe le plus en avant, ben oui, c'était le groupe juste avant, c'était Hammerheads. Il était en avant, puis il trippait vraiment beaucoup sur le groupe. J'aime beaucoup quand les musiciens sont aussi enthousiastes pour, ben oui, pour leur partenaire de travail. Parce que, mon Dieu, j'en ai pas assez parlé comment il était remarquable, le bassiste au centre de Hammerheads, puis aussi d'Appalaches, les deux. Pour moi, ils sont très ressemblants dans leur attitude physique avec beaucoup de groove, hochement de tête, des fois, tu sais, comme ils sont concentrés à se pincer les lèvres ou à fermer les yeux, la tête qui revire par en arrière, mais surtout, là, à tout le temps, pas se dandiner, là, mais vraiment gauche-droite, se balancer. Ah! Il était vraiment dedans, ben, pour, dans le cas de Hammerheads, il était autant dedans pour son groupe que pour le groupe après, mais sinon, j'ai jamais trouvé des bassistes dans la vie aussi éblouissant. Vraiment. C'est sûr qu'il était au centre, là. Vous allez me dire que c'est facile d'être mis en valeur, mais quand même, une attitude scénique sans avoir besoin de chanter ou de dire « Hey, la foule, comment ça va? » Non, juste parce que tu tripes sur ta musique puis t'as envie de la partager. Ça se ressent dans la foule. Et ouais, ça dégage. C'est beau. Parce que dans la crowd, ça dansait. J'ai envie de dire le mot danser, mais en même temps, c'est sûr que quand tu regardes ça, techniquement, ce n'est pas beaucoup, là. On a encore affaire à une crowd tranquille, arrangée, bien attentive. Une extrêmement belle écoute. Mais comme move, il y avait deux gars qui avaient soit le move du marteau piqueur, comme de juste un peu rebondir sur ses genoux, sur lui-même, frénétiquement, mais pas trop, parce que comme je l'ai dit, c'est un show calme quand même. Et l'autre danser plus façon guenille. Et... Dans ma tête, c'est super clair quand je dis danser comme une guenille. J'espère que c'est le cas aussi pour toi, cher auditeur de la marge. Parce que c'est un peu comme, mettons, une guenille que tu shakes au-dessus de l'évier, là. C'est un peu mou, mais, tu sais, en même temps, ça a du sens comme mouvement, là. C'est un peu guenille. Allez, fais le ménage chez vous, puis après ça, tu pourras mieux comprendre mes comparaisons. Aïe, aïe, aïe. Mais aussi, nos chers danseurs marteau-piqueur et en guenille sont aussi de très bons... dans le rythme, parce qu'ils vont le répéter sans cesse sur leurs cuisses. Ils sont vraiment entraînés par la musique. Et ouais, c'était beau à voir. Je trouve que vraiment, j'ai passé une très, très belle soirée, même si moi, j'ai pas fait grand-chose, puis d'habitude, j'aime ça m'énerver. Mais j'aime ça m'énerver quand il y a un potentiel crowdien. Quand on le voit que c'est juste vivre le spectacle un peu pour soi, puis c'est ça l'essentiel, ben je trouve que mission est accomplie. C'est un bon spectacle, le groupe est tight, la foule est à l'écoute, elle est généreuse dans ses applaudissements. Il y a quasiment pas de place pour applaudir, tellement les tours sont longues qu'il y a pas tellement d'intermède, là, il y a pas de pause. Alors, une belle écoute. Je pense que c'est l'essentiel pour tous les spectacles et ça l'est encore plus apparent dans ceux-ci. Même s'il va y avoir comme des headbangs, de l'énervement, non, mais tu sais, ça va siffler, ça va être un peu plus bruyant pour accueillir le groupe, pour la fin, terminer. Même qu'il y en a un qui dit « Hey, est-ce que vous allez au cactus après? » C'est à suivre, je ne le saurai jamais, je n'y suis pas allée, mais ça a comme éveillé en moi un fantasme de rockeurs qui finissent leur soirée au deuxième étage, au cactus. C'est à suivre! Ah oui, je crois que je vais aller surveiller le cactus plus souvent dorénavant. Sur ce, on va aller en écouter du Appalaches. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et surtout, je vous dis à la semaine prochaine. Je m'appelle Critique de Crowd et... Pour toute suggestion et commentaire, Facebook, c'est bien pratique pour ça. Bye bye!